Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن موضوع العقيدة والتوحيد أساس الدين وأصله الأصيل serviteurs d'Allah Sachez que le sujet de la aqida, la croyance, et le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fondement de la religion et la base, sa base la plus importante. Les musulmans, illa man rahim Allah, excepté ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, prennent souvent le sujet du tawhid, de l'unicité d'Allah pour acquis. Parce qu'ils se disent et parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont compris. Qu'est-ce que signifie le tawhid? Ils disent, yani, on a compris et on sait que Dieu est un Dieu unique. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, pour eux, c'est quelque chose d'acquis et que c'est inutile d'en parler puisque c'est quelque chose qu'on a déjà compris et qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Et parfois, on entend certains musulmans, parfois aussi également, qui disent que la croyance des chrétiens, ou que la croyance des juifs, ou la croyance des mouchriquins, que ce n'est pas un grave problème, puisqu'ils donnent aux problèmes politiques, aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux, une importance plus grande que le problème relié à la croyance, que le problème relié à la aqida. Et donc, ils n'ont pas compris la signification du tawhid et qu'est-ce que signifie « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Ils savent que Dieu est un seul Dieu. Mais le tawhid a une signification beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que ça. Et un exemple qui nous aide à comprendre un peu plus l'importance du tawhid, c'est l'exemple qu'on a trouvé dans les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Rahimahullah, lorsqu'il enseignait à ses élèves le livre du Tawhid, Kitab al-Tawhid, qui est un livre qui est rempli de hadiths et de versets du Coran au sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a enseigné à ses élèves ce livre pendant une longue période de temps. Et lorsqu'il a terminé de l'enseigner à ses élèves ont dit, ça y est, maintenant on a appris le Tawhid, on passe à un nouveau sujet. On parle d'un autre sujet maintenant. Parce que ça y est, maintenant on a compris le tawhid, donc on n'a plus besoin d'en parler encore une fois. Alors le cheikh, il a dit, vous pensez que vous avez suffisamment compris le tawhid? Ils ont dit oui. Alors le cheikh est revenu et il leur a dit, on va encore une fois enseigner Kitab al-Tawhid. Il a dit, pourquoi cheikh? Il a dit, parce que il y a hier un homme qui a commis un acte de shirk, et il y en a un autre qui a commis le zina avec sa mère. Alors les élèves ont dit, oh ça c'est grave, comment quelqu'un a commis le zina avec sa mère, ou quelqu'un a commis le zina, hein, a commis un grand péché. Donc pour eux, le fait de que quelqu'un ait commis le zina, c'était plus grave. Ils ont pensé que c'était quelque chose de plus grave que quelqu'un qui a commis le shirk, qui a par exemple égorgé un mouton pour une tombe, ou invoqué un mort ou un saint qui est enterré dans sa tombe. Ils ont pensé que le fait de faire le zina, c'était plus grave. Et beaucoup de musulmans comme ça s'imaginent que le fait de tuer ou de voler, ou de manger du riba, ou de manger du porc, ou de faire le zina, ils pensent que c'est plus grave que le fait de contredire le tawhid et que le fait de commettre le shirk. Il y a même dans le kitab tawhid, dans le livre du tawhid, il y a même l'exemple d'un hadith dans lequel on mentionne que quelqu'un est entré en enfer pour avoir sacrifié pour autre que Allah une mouche. Et donc les gens ont dit, étant donné que certains égorgent des moutons, égorgent des vaches, égorgent des animaux, des chameaux pour des idoles ou des tombes ou des morts, ça c'est grave. Mais si on sacrifie une mouche ou une fourmi ou un moustique pour autre que Allah, pour une idole, donc ça c'est pas grave parce que c'est un petit insecte et donc ça n'a pas une grande importance. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris en réalité, c'est que c'est pas la grandeur de ce que tu offres à autre que Allah qui fait que c'est quelque chose de grave, mais c'est justement le fait d'offrir quelque chose à autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui est shirk en soi. Et du moment que quelque chose est shirk akbar, que c'est quelque chose qui est shirk majeur, eh bien ça suffit pour que ça fasse quelqu'un sortir de l'islam et pour que cette chose-là fasse que quelqu'un reste en enfer pour l'éternité. Et donc, il est important de comprendre pour chaque musulman qu'il ne peut pas y avoir de réforme politique ou économique ou sociale excepté en commençant par la réforme sur le plan de la croyance et sur le plan de la aqida. Sans la réforme de la aqida, sans la correction de la aqida et du tawhid, il ne peut pas y avoir de réforme réelle de la société. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana fi hadhihi al-hayati ad-dunya li hikmatin 'azima yuhibbuha wa yardaha ala wa hiya 'ibadatuhu wahdahu la sharika lah kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé dans cette vie pour une sagesse énorme qu'il aime et qu'il a agréé, et c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun associé, sans aucun partenaire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَقَدْ مَيَّزَ اللَّهُ الْإِنسَانَ بَيْنَ سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ بِأَنْ مَنَحَهُ الْعَقْلِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَ بِهِ رَبَّهُ وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ مَا يَنْفَعُهُ وَيَضُرُّهُ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme une particularité qui est la particularité d'avoir la raison et d'être capable de distinguer entre ce qui est bénéfique pour lui et ce qui peut lui nuire. Wa min rahmatihi subhanahu bi'ibadihi lam yukallifhum fi ma'rifati al-khayr wash-sharr ila al-'aql wahdahu bal arsala ar-rusul wa anzala ilayhim al-kutub allati tashtamilu ala awamiri Allah wa nawahihi wa ahkamihi allati fiha sa'adatu al-bashar fi ad-dunya wal-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé l'homme avec sa propre capacité essayer de distinguer entre le bien et le mal en utilisant uniquement sa raison. Mais en plus de sa raison, il lui a donné des messagers, il lui a envoyé des livres avec lesquels il y a les ordres et les interdictions d'Allah, ainsi que ses règles, dans lesquelles il y a le bonheur de l'humanité, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. « Wa ba'da irsal ar-rusul la tabqa hujjatun aw 'udhrun lidallin aw za'irin 'an tariq Allah bal yakunu mustahiqqan lil 'adab » قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Après que Allah ait envoyé ses messagers, il ne reste plus d'arguments ou d'excuses pour quiconque s'est égaré ou pour quiconque a dévié du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, celui qui dévie mérite le châtiment d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il a envoyé des messagers comme avertisseurs, comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, pour que les hommes n'aient plus d'arguments auprès d'Allah et plus d'excuses auprès d'Allah après l'envoi des messagers. وَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ الرُّسُلَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَاتِمُ الرُّسُلِ وَأَفْضَلُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الْكُتُبِ فَكَانَتْ شَرِيعَتُهُ أَكْمَلُ وَأَعْظَمُ أعظم الشرائع ولم يلتحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a terminé cette révélation par le dernier des prophètes, qui est le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, et le meilleur d'entre eux. Et il leur a envoyé le meilleur des livres et la plus complète de toutes les législations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté ce monde excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala ait complété cette religion pour nous et parachevé cette grâce, comme il le dit dans le verset 4 dans sourate Al-Ma'ida: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. فَلَمْ يَبْقَ مَجَالٍ لِأَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ أَنْ يَبْتَدِعَ فِي الدِّينِ شَيْئًا أَوْ يَزِيدَ فِيهِ أَوْ يَنْقُصُ مِنْهُ. Et donc il ne reste plus de place pour quiconque désirerait inventer ou innover quoi que ce soit dans cette religion, en y ajoutant quelque chose ou en y enlevant quelque chose, puisque la religion a été complétée. وكان أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التوحيد المتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Et la première chose à laquelle le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, a appelé, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, qui est représenté par le témoignage de la ilaha illallah de Muhammadur Rasulullah, qui signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Wa makatha fi Makkah ba'da al-bi'tha 13 aaman yad'u ila hadhihi al-kalima allati hiya asas ad-din وقد أطبقت الرسل على الدعوة إلى هذه الكلمة فما منهم من أحد إلا افتتح دعوته لقومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque pendant 13 ans à appeler à cette parole qui est la fondation et la base de cette religion. Et tous les messagers qui sont venus avant lui ont appelé à cette parole, et c'était l'ouverture de leur appel et de leur invitation à la religion d'Allah. Et ils ont tous commencé leur invitation à l'islam en disant: adorez Allah, vous n'avez aucune divinité autre que lui. Rien ne mérite d'être adoré parmi les choses qui sont adorées par les hommes sur terre. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le Créateur. فالتوحيد هو زبدة الرسالات وغايتها وترتكز كلها عليه في وجودها إليه في وجودها. Donc la base c'est le tawhid, hein? C'est la crème des messages et c'est l'objectif et le but pour lequel tous les messagers ont été envoyés et le centre de tout ce qui a été expliqué et enseigné dans l'islam, c'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du tawhid, c'est-à-dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, que ce soit un homme pieux ou un prophète ou un ange ou un esprit ou un djinn, hein? Parce que certains pensent que l'idolâtrie c'est uniquement d'adorer une statue, puis s'ils adorent un être humain ou un ange ou un prophète ou quelque chose qui est invisible, hein, comme un djinn, hein, ou un ange ou des choses de ce genre, ils disent ah, mais ça c'est pas la même chose. Oui, c'est la même chose, puisque l'idolâtrie, le shirk, c'est d'adorer quoi que ce soit d'autre que Allah et de prier à autre chose que Allah et d'invoquer autre que Allah et de craindre autre que Allah et d'aimer quelque chose autre que Allah. Et tout ce que tu offres comme adoration, peu importe quelle adoration il s'agit, si tu offres cette forme d'adoration à autre que à Allah seul, tu as commis du shirk, tu as commis de l'idolâtrie. Et donc ça c'est quelque chose que beaucoup de musulmans n'ont pas compris, et donc c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, ils ignorent la signification du tawhid, parce qu'ils ignorent la signification du shirk. Tu ne peux pas comprendre le tawhid sans avoir compris ce que signifie en détail le shirk, et tu ne peux pas comprendre le détail du shirk sans avoir compris la réalité de ce que signifie le tawhid, parce que les deux sont des opposés, et tu ne peux pas comprendre un opposé sans comprendre correctement et en détail l'autre est avec les preuves qui sont reliées à ces questions-là. Pas seulement de les connaître de façon superficielle et de dire oui, je sais, je pense que je sais ce que ça signifie, mais de le connaître avec certitude et en détail et avec preuves et clarification des paroles du prophète et des paroles des sahaba et des paroles des ulama pour être sur ton tawhid avec une solidité et une fermeté pour éviter justement de tomber dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'exemple des prophètes. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَقَالَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Donc on a des exemples dans ces versets là Nuh, Ad, hein, lorsque Ad, Allah leur a envoyé Houd, hein, il les a appelés à ça, de dire ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez rien d'autre qui mérite d'être adoré autre que lui. La même chose pour Nuh, la même chose pour Houd, la même chose pour Shu'ayb et tous les messagers d'Allah sans exception. La première chose qu'ils ont fait, c'est d'appeler au tawhid. Le malheur aujourd'hui, c'est que les gens qui prétendent appeler à l'islam et prêcher l'islam, ils pensent que ça c'est quelque chose qui est terminé et c'est quelque chose qui est pris pour acquis, que ça y est, on a déjà compris la ilaha illallah, plus besoin de parler de ça, plus besoin de l'enseigner aux gens, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, que c'est naturel pour nous, on l'a entendu, on l'a appris, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Alors que tu vois que parmi les musulmans encore aujourd'hui, beaucoup de croyances de shirk, la sorcellerie, la croyance en l'astrologie, la croyance au porte-bonheur, la croyance au charlatan, l'adoration des morts, l'adoration des tombes, le sacrifice des animaux pour des morts et pour des tombes, la recherche de la bénédiction des tombes et des morts et des objets et des choses au lieu de la rechercher dans la scène. Tout ça, c'est des choses qui sont présentes dans la masse chez les musulmans. Et on retrouve ces croyances-là répandues dans les populations, dans tous les pays musulmans. Alors la personne qui appelle à l'islam, si elle ne commence pas par le tawhid, alors elle n'a rien établi, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait parce que sans le tawhid, aucune de tes œuvres ne sera acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder l'œuvre des mushrikins, des gens qui ont commis le shirk, même s'ils se disaient musulmans, mais ils vivaient dans le shirk, et ils croyaient au shirk, et ils pratiquaient le shirk, après qu'on leur ait expliqué que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam dans ses fondements, et que ça fait sortir de la foi, et ils ont continué à le faire. Eh bien, Allah va leur dire, vos œuvres ne valent plus rien, et va rendre leurs œuvres de la poussière éparpillée par le vent, sans aucune valeur. إلى غير ذلك من الآيات التي تنص على أن الدعوة إلى التوحيد أول ما يفاتح به الرسل قومهم، لأن التوحيد هو الأساس، هو أساس الإسلام الذي هو دين الرسل والأنبياء جميعا. Et donc tout ça, ces versets-là confirment que c'est la priorité chez les prophètes, que c'est la plus importante de toutes les choses. Et aujourd'hui, tu as des gens, ils disent, par exemple, c'est des prêcheurs à Montréal et ailleurs, qui disent: oh, mais si on parle du tawhid, les gens veulent pas venir à nos cours, ou les gens veulent pas venir assister à nos conférences, donc on est obligé de parler d'autres sujets, des sujets de divertissement, des sujets qui attirent les jeunes parce que ça leur fait plaisir d'entendre parler de toutes sortes d'autres choses, mais de parler des fondements et de la base de l'islam, ça les endort, ça les ennuie. Donc on veut pas parler de ça, on veut parler de choses qui vont les divertir. Hein? On veut faire des spectacles pour eux, de la musique pour eux, des choses qui les divertissent. Hein? Donc, Allahu Musta'an, si les prêcheurs de l'islam se laissent détourner aussi facilement, eh bien, c'est facile de comprendre pourquoi les musulmans aujourd'hui ignorent la réalité de leur religion. Et les messagers d'Allah n'ont pas bronché dans la propagation du tawhid et ne sont pas détournés de leur priorité et de l'importance du tawhid. وليس معنى هذا أن يستهين الدعاة بفروع الإسلام الأخرى، ولكن من المتفق عليه أنه لا يصح عمل ولا يقبل ما لم تكن عقيدة صاحب هذا العمل خالصة وصحيحة. C'est-à-dire que le fait qu'on insiste sur le tawhid et qu'on mentionne l'importance du tawhid ne signifie pas qu'on néglige ou qu'on dénigre ou qu'on enlève de l'importance au reste des aspects de l'islam et au reste des principes de l'islam. Les autres principes de l'islam sont très importants également. Mais il n'y a pas une action qui sera acceptée ou qui sera valable de la part de quelqu'un, excepté si la croyance de cette personne qui fait cette action est valable et bonne. Si sa croyance n'est pas bonne, même s'il fait les meilleures œuvres au monde, même s'il a le meilleur comportement au monde, même s'il a la meilleure attitude au monde, même s'il fait des œuvres de charité et qu'il est bon avec les gens, rien de cela n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. كما أنه لا يصح أن نبني دارا قبل أن نثبت الأساس الذي تبنى عليه وإلا فإن البناء سرعان ما ينهار ويسقط. Donc c'est la même chose que lorsqu'on construit une maison. On ne va pas construire une maison sans avoir raffermi la fondation en premier. Une fois que la fondation de cette maison était vraiment solide et bien établie, on commence à construire le reste. Mais si on n'a pas raffermi la fondation de la maison, eh bien la maison va facilement s'écrouler. ويؤكد هذا أن الشرك هو ضد التوحيد أعظم إثما وجرما مما سواه من الذنوب ولذلك أخبر الله تعالى أن من مات على الشرك لا يغفر الله له. Et le contraire du tawhid, c'est le shirk. Et qu'est-ce qui nous montre l'importance du tawhid et la gravité du shirk? C'est que c'est le seul péché que si quelqu'un le commet, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas s'il meurt sur ce péché-là. Tandis que tout autre péché que le shirk, eh bien Allah peut le pardonner à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe quelqu'un avec lui dans l'adoration, qu'on adore d'autres que lui ou d'autres avec lui parmi les créatures ou parmi les autres choses qui sont adorées. Mais tout autre péché que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Hein? وكل ذنب يقترفه الإنسان دون الشرك بالله والكفر به هناك رجاء أن يغفره الله ويدخل صاحبه الجنة إذا كان سالما من أوضار الشرك أما إذا مات على الشرك بالله ولو كان يدعي الإسلام فمصيره المحتوم هو النار ها؟ أجارنا الله وإياكم منها. Donc tout péché qu'un être humain peut faire qui est moindre que le shirk et que le kufr avec Allah, il y a toujours un espoir que Allah lui pardonne et qu'il le fasse rentrer au paradis s'il était exempt des différentes formes de shirk. Toutefois, si la personne meurt sur le shirk, eh bien, même s'il prétendait être musulman, qu'il se disait musulman et qu'il commettait le shirk avec Allah, eh bien, sa destination certaine sera l'enfer. Que Allah nous en préserve tous. لذلك يجب أن نتنبه لهذا الأمر العظيم لهذا الأمر الجليل فندعو الناس إلى التوحيد ونحذرهم من الشرك بالله ونجعل ذلك في رأس قائمة ما ندعو إليه. Et c'est pour ça que on avertit les gens de cette grande importance qu'a le tawhid et de cette chose qui est fondamentale dans notre religion, et on appelle les gens au tawhid et on les avertit contre le shirk et on fait de ça la priorité. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن ليدعوهم الى الله علمه كيف يبدا دعوته حيث ارشده الى الاهم فالمهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Et donc, on voit l'exemple de l'importance du tawhid dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Et il les a envoyés au Yémen pour les appeler à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Mu'adh, sache que je t'envoie à un peuple des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Hein? C'est des gens qui ont des erreurs dans le tawhid, des gens qui ont des mauvaises conceptions au sujet du tawhid. On sait que les chrétiens ont l'idée ou la croyance que Jésus est Dieu, ou que Jésus est le Fils de Dieu, ou que Jésus est incarné, hein, Dieu incarné, comme ils le disent. C'est-à-dire qu'ils croient que Dieu est rentré dans le corps de Jésus et qu'il est devenu un avec lui. Donc, ils ont toutes ces fausses croyances qu'ils ont héritées des idolâtres qui les ont précédés parmi les Grecs et les Romains et les Hindous et les Bouddhistes et tous les autres peuples qui ont commis du shirk avant eux. Et donc, à cause de ça, ils sont tombés dans l'idolâtrie, d'adorer un être humain ou d'adorer Jésus. Et même ceux qui ne disent pas qu'il est Dieu ou fils de Dieu, du simple fait qu'ils l'adorent en dehors d'Allah, ça veut dire qu'ils font de lui une divinité. C'est pas nécessaire que tu dises, lui, je crois que c'est Dieu, ou je crois que cette chose est Dieu, ou que cette chose est Allah. Du moment que tu l'adores en dehors d'Allah, tu l'as mis égal avec Allah. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Lorsque quelqu'un adore un wali, ou adore un saint, ou adore une tombe, même s'ils ne disent pas « je crois que ce saint, ce wali est Dieu » ou « ce wali est Allah » ou « je crois que ce prophète est Allah », même s'ils ne disent pas, mais le simple fait qu'ils le fassent, c'est-à-dire qu'ils l'invoquent en dehors d'Allah et qu'ils l'adorent en dehors d'Allah, ça fait en sorte qu'ils le mettent à égalité avec Allah dans l'adoration. Et ça veut dire que du moment qu'ils l'offrent, ils lui offrent l'adoration, c'est du shirk. Ça veut dire qu'ils l'ont pris pour une divinité. Ils l'ont pris comme un nid avec Allah, comme des andad avec Allah. Et Allah nous a interdit de prendre des andad avec lui, des égaux avec lui, et d'offrir à quiconque ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah de l'adoration. Donc les peuples, que ce soit les juifs ou les chrétiens ou les hindous ou les bouddhistes ou les... peu importe quelle religion qu'ils suivent, s'ils adorent quelque chose en dehors d'Allah ou avec Allah, ils ont commis de l'idolâtrie. Ils ont commis du shirk. Ils disent que Jésus, c'est le Fils de Dieu ou que c'est Dieu. Ou ils disent Marie est la mère de Dieu. Ou ils prétendent que c'est la mère de Dieu. Eh bien, tout ça, c'est des exemples de shirk. S'ils n'ont pas cru en la croyance islamique, la croyance de tous les prophètes d'Allah, que Jésus est un prophète, un être humain, une créature créée par Allah, un messager d'Allah, mais qui ne mérite pas l'adoration, mais qui lui-même adorait Allah et appelait les hommes à n'adorer que Allah. Hein? S'ils n'ont pas cru en ça, ils n'ont pas cru à la vraie croyance. Ils n'ont pas cru à l'islam. Et Jésus est un prophète de l'islam, et est un prophète musulman qui enseignait l'islam, qui enseignait qu'on ne devait adorer rien d'autre que Allah. Et ceux parmi les chrétiens aujourd'hui qui prétendent autre chose ont contredit et ont falsifié le message de Isa alayhi salam. Ils ont falsifié le message de Jésus, fils de Marie. Et comme Allah nous dit dans le Coran, il n'est pas mort et ils ne l'ont pas crucifié. Hein? Et s'ils prétendent qu'il est Dieu, déjà, premièrement, s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Et s'il est mort, c'est la preuve qu'il n'est pas Dieu. Et deuxièmement, s'il prétend qu'il est Dieu et qu'il est mort, et après il prétend qu'il est ressuscité, mais s'il n'est pas mort, comment il peut être ressuscité? Ça, c'est un des plus grands paradoxes qui existent dans le christianisme et qui montre la contradiction de leur croyance et la fausseté de cette croyance-là aussi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'ad ibn Jabal à ce peuple pour les appeler à l'islam, en l'avertissant que c'est des gens qui ont des shubuhat, que c'est des gens qui ont du jidal, qui vont argumenter à propos du tawhid. Alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit « La ilaha illallah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Donc ceux qui prétendent aujourd'hui qu'il y a trois religions et que toutes les religions sont bonnes et que c'est pas grave, peu importe que tu crois en Dieu, c'est ça l'important, peu importe cette conception que tu as de Dieu, ça c'est complètement faux et réfuté par ce hadith et par beaucoup d'autres. Et donc après il leur a dit, et s'ils acceptent la ilaha illallah, après, dis-leur qu'ils ont 5 prières à faire durant le jour et la nuit. S'ils acceptent cela, alors dis-leur qu'il y a une somme d'argent qu'ils doivent donner en zakat, des riches pour la donner aux pauvres. S'ils acceptent cela, alors crains, fais attention de ne pas prendre le meilleur de leurs biens, le meilleur de leurs richesses, et crains l'invocation de l'opprimé, parce qu'il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah. Amen. Donc ça, c'est des exemples qui nous montrent l'importance du tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'il y allait avoir des gens qui allaient dévier dans le tawhid, et qu'il y allait avoir des gens qui allaient s'égarer du droit chemin à ce sujet-là. Et parmi ces groupes, et parmi ces exemples, il y a les groupes qu'on appelle As-Soufiyya, les groupes qu'on appelle le soufisme. Et le soufisme et la tasawwuf est rempli d'exemples de shirk et de fausses croyances. Et dans certains pays musulmans, le soufisme est tellement ancré et enraciné dans la société à un tel point que les musulmans dans ces pays-là ne savent même pas distinguer entre qu'est-ce que c'est l'islam authentique et qu'est-ce que c'est le soufisme. C'est devenu tellement une partie intégrante de leur société qu'ils ne savent même plus la différence. Et donc pour eux, de faire partie de différents toroq, c'est devenu normal. J'ai rencontré des musulmans, ils m'ont dit, moi je suis, de mon père je suis Tijani, de ma mère je suis Mourid. Ajib. Alors qu'on est une seule religion, et on suit une seule religion. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est des tariqas? Il dit, c'est des confréries. J'ai dit, subhanallah, n'est-ce pas que l'islam c'est une seule confrérie? Et qu'on est tous des frères du moment qu'on est musulmans? Et qu'on n'a pas le droit de se diviser entre nous du moment qu'on est frères? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, ça c'est un exemple. Mais beaucoup de gens ignorent la réalité de ce qui se cache derrière le soufisme. Parce qu'ils ont une image à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. J'avais préparé la khutbah dans le but de clarifier en détail et d'expliquer en détail ce que signifie le soufisme et les égarements qui sont reliés à cette voie. Toutefois, j'ai pris beaucoup de temps dans la première partie de cette khutbah à expliquer l'importance du tawhid. Et donc, je ne pourrai pas m'élaborer plus que ça au sujet du soufisme, mais je peux mentionner quelques points parmi les points les plus importants. Une des choses qui est caractéristique et spécifique au soufisme, c'est qu'il est très difficile de savoir sa définition. Et la raison pour laquelle il est difficile de savoir sa définition, c'est parce que ceux qui l'ont établi ont voulu justement que ce soit quelque chose qui soit caché, pour que justement ils soient capables de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de ce mouvement et de ce soufisme. Une chose est certaine, les koufars, les chrétiens et les juifs et autres, même les laïcs et les athées, propagent le soufisme et financent le soufisme dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Et même durant la colonisation des pays musulmans, ils encourageaient et finançaient les différentes turqs soufis dans plusieurs des pays musulmans, à quelques exceptions près dans certains pays. Et une des raisons pour laquelle ils propagent ces idéologies-là et ces voies-là, hein, comme certains l'ont dit, ils ont dit, du moment que on est capable de faire comprendre aux musulmans que le christianisme, c'est de prier à Jésus et de demander l'aide de Jésus ou des choses comme ça, eh bien on leur explique, s'ils sont près du soufisme ou qu'ils acceptent le soufisme, si déjà ils sont habitués à prier à un saint et à aller à une tombe d'un prophète ou à une tombe d'un homme pieux ou d'un wali, pour demander à ce wali une aide ou une bénédiction ou une subsistance quelconque, eh bien, on appelle les musulmans en leur disant, vous n'avez qu'à rajouter Jésus et qu'à rajouter Marie et d'autres, et puis ça suffit. Hein, vous allez comme ça être musulman, puis vous acceptez le christianisme. Et donc, par le soufisme et par les croyances de shirk qui existe chez les musulmans, ils ont réussi à appeler beaucoup de musulmans à rentrer avec eux dans leur religion et dans leur shirk par l'adoration des morts et des saints. Puisque l'adoration des morts et des saints ne vient pas de l'islam, mais ça vient justement du christianisme et de ces religions-là. C'est des croyances qui se sont infiltrées dans l'islam et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Au début, c'était fait dans l'intention de vouloir se détacher de la dunya et se concentrer sur le dhikr et sur l'adoration. Mais après un certain temps, des formes d'exagération et d'extrémisme se sont infiltrées dans le soufisme et la philosophie est rentrée à l'intérieur. Et toutes sortes d'idéologies, même ésotériques, se sont mélangées à ces croyances, au point où ça devient quelque chose de totalement hérétique et de complètement différent des fondements de l'islam. En apparence, quand on regarde, en apparence, on voit quelques petites différences. Mais une fois qu'on entre à l'intérieur et qu'on commence à découvrir les détails de ce qui est enseigné dans ces différentes turqs, on constate que c'est des croyances de shirk. La croyance en al-hulul, le fait qu'ils croient que Allah rentre en certaines personnes ou en certaines créatures. Ou la croyance en wahdatul wujud, la croyance que Allah et le monde ne forment qu'un. Qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, que tout est un. Et ça, c'est la base même de l'idolâtrie, c'est la base même de la croyance des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Puisqu'ils disent que, on ne dit pas que Jésus est Dieu, mais on dit que Dieu est rentré en Jésus. Hein? Et donc, ceux qui disent Dieu n'est pas rentré seulement en Jésus, mais est rentré partout, dans toutes choses. Ça, c'est encore plus grand comme shirk. Hein? Et c'est la base même du shirk, même les hindous qui prient devant des statues et des idoles, c'est ça leur base, c'est ça leur idéologie, que Dieu est en toutes choses et dans les idoles. Et donc quand ils adorent les idoles, ils disent on n'adore pas l'idole, mais on adore Dieu qui est manifesté à travers ces idoles. C'est comme ça qu'ils rentrent la logique de leur logique de shirk dans leur religion, c'est comme ça qu'ils le propagent. Et tout mushrik qui veut propager du shirk, il doit essayer d'utiliser une logique pour essayer de donner du sens à ce qu'il fait comme égarement. Mais l'islam est venu détruire cette logique et montrer qu'elle est fausse, et montrer que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qu'on n'a pas le droit d'adorer autre que Allah, que ce soit directement, c'est-à-dire en adorant directement quelque chose d'autre que Allah, ou indirectement, c'est-à-dire en prenant un intermédiaire ou un intercesseur pour se diriger à Dieu à travers lui ou à travers cette chose. Dans tous les cas, ça représente du shirk. Et donc, il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de choses à dire, mais Inch'Allah, on gardera les détails de ça pour une autre khutbah. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر